Baby love, pas de love, il me faut de l'or. Parle-moi de jazz comme à London. Oh oui, ça drip dans la go. C'est plus toi le roi du Nord. À Winterfell, ça neige fort. À force de traîner dehors, lorsqu'il m'a dit, ils sont morts. Baby love, tu veux qu'on t'aide, mais tu dors. Et si tu me dois, on fait comment? J'ai des couteaux dans le dos. Ici, les anges ont des corps, aveuglés par ses formes. Ici, on mange pas de porc. Un gros wada, l'uniforme. Sa doggy se fait dans l'escalier. Sa bibi, sa fond dans l'escalier. Porte les courses dans l'escalier. Parce que nos darons sont trop fatigués. Madame de courir, elle est fatiguée. La plaquette est cisaillée. La plaquette est détaillée. La peur est venue d'ailleurs. PES 6 Ibra Jungle Lacoste TN Quartier Jungle Ika Bigo Yankee Jungle Baltimore Trinidad Welcome Jungle PES 6 Ibra Jungle Lacoste TN Quartier Jungle Ika Bigo Yankee Jungle Baltimore Trinidad Welcome Jungle. Everyday je reçois une paye. Nouvelle paye, nouvelle chaîne. Nouvelle chaîne, nouvelle paire, nouvelle caisse. Bien sûr que ma vie a changé, pour ça je remercie le bon Dieu. Je suis comme Guérassi sur le corner. Congolais d'identité, Mazine s'est félicité. Chérie, quand je parle, tu te tais. Je viens chez toi, je dors sur le CD. L'océan n'a plus de pitié. J'ai plus de teinture comme si c'est. Et pour réchauffer ton cœur, j'achète fourrure de Sibérie. On aime faire du propre, ici les armes, ça nettoie. L'ancien gratte une clope, dis-moi qui aurait cru ça. On gère pas les mêmes go, mais je veux goûter Tatiana. Sabrina, Melissa, les mettre tout en Katiana. PES 6 Ibra Lacoste, TN, Cartier, Jungle, Ika, Bigo, Yankee, Jungle, Baltimore, Trinidad, Welcome, Jungle, PES 6, Ibra, Jungle, Lacoste, TN, Cartier, Jungle.